Campus, il est midi. Radio Campus. Joyeux anniversaire Radio Campus. 106,6. Votre attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à toutes. Vous écoutez Radio Campus et vous faites bien, puisque c'est l'heure d'Angle d'Attaque, l'émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Nous ne sommes de nouveau que deux aujourd'hui, Florent, toujours à la technique, et moi-même René. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une rediffusion d'interviews de nos précédentes émissions, datant de septembre et d'octobre 2013. Alors, les retraites, où nous avions invité Jean-Marie Arribé, qui est économiste, ancien maître de conférences à l'université de Bordeaux 4. Il a été coprésident d'Attaque de 2006 à 2009. Il est aussi membre des économistes atterrés. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Par ici la sortie, cette crise qui n'en finit pas, aux éditions Les liens qui libèrent, et plus récemment La monnaie, un enjeu politique, aux éditions Du Seuil. Et l'autre interview, Le coût du capital avec Laurent Cordonnier, qui est également économiste, membre des économistes atterrés aussi, et maître de conférences à l'université de Lille 1, chargé de cours à Sciences Po et chercheur au CLERCE, Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Il est auteur de « Le surcoût du capital, la rente contre l'activité » aux presses universitaires du Septentrion et de « L'économie des dons papiques » qui est plus ancien, celui-là, aux éditions Raison d'agir. Il publie également des articles dans le monde diplomatique. Alors, pourquoi rediffuser des émissions datant déjà de quelques années ? Eh bien, je dirais qu'elles sont toujours d'actualité, et même plus que jamais, sans doute, avec les réformes du gouvernement actuel. Notamment, bon, la retraite par points que Macron nous propose, dont je vous ai parlé au cours des activités d'attaque dans notre émission du 15 juin, et le coût du capital, bien sûr, quand on sait ce qu'il signifie pour les salariés et pour les entreprises elles-mêmes. Un pognon de dingue, pour paraphraser qui vous savez. Ce qui vous savez, d'ailleurs, qui ne cache même plus sa volonté de gaver une oligarchie prédatrice, jamais rassasiée, qui fait main basse sur tout ce qui constitue notre bien commun. De privatisation de services publics en passant par les retraites, par capitalisation, et bientôt l'UNEDIC. Savez-vous que l'UNEDIC est entré sur les marchés financiers afin de lever les fonds nécessaires dans les années de pénurie? Donc on peut acheter de la dette UNEDIC gérée par un fonds luxembourgeois en plus. L'assurance chômage est ainsi devenue un terrain d'investissement lucratif, au détriment des chômeurs bien sûr. Face à cette dépossession qui va s'accentuant avec la Macronie, cette ultra-violence des riches, comme diraient les pinsons Charlot, il nous a semblé pertinent de rediffuser ces interviews. Mais auparavant, peut-être, brièvement, quelques nouvelles de nos activités locales. Alors, vendredi 21 juin, c'était la remise du parpaing vert à Martine Aubry à l'initiative de Parc Saint-Sauveur. Une mise en scène assez géniale et ironique, où les militants de Parc ont tenu le rôle de Martine Aubry et des experts européens. Cela a attiré les passants. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à manifester leur sympathie pour l'action menée par l'association. Et également cet après-midi, un événement toujours organisé par Parc Saint-Sauveur, mais aussi Action non-violente et Extinction Rébellion. Le rendez-vous pour le briefing est à 17h au parc Jean-Baptiste Lebas, donc si vous avez l'occasion. Et le 28 juin, c'est-à-dire hier, il y a eu le rassemblement devant le siège de Lamel suite à la tenue du Conseil communautaire, où se votait d'ailleurs le nouveau schéma directeur des infrastructures de transport. Nous étions une bonne trentaine de militants, d'Attaque Collectif Transport Gratuit, du collectif d'usagers des transports de Lamel, des Amis de la Terre, d'Alternatiba, d'Action Non Violente et d'Extinction Rébellion, dans l'objectif de faire prendre conscience aux élus la dégradation accentuée de l'offre de transport et la nécessité, au contraire, de mener une politique ambitieuse pour les transports en commun, face aux enjeux de santé publique, de justice climatique et de justice sociale. Un questionnaire leur a été remis à leur arrivée. Pour rappel aussi, le mercredi 10 juillet arrivé à Roubaix, dans le cadre de la campagne pour l'obtention d'un référendum local d'initiative citoyenne, le collectif Transport Gratuit organise une opération information et signature de pétition. L'action se déroulera de 17h à 19h à l'Euro-Téléport. Donc si vous êtes dans les environs, n'hésitez pas à venir apporter votre soutien. Et enfin, un appel d'Attaque nationale. Le gouvernement souhaite que le CETA soit ratifié en urgence cet été, avec un passage en Conseil des ministres dès le 3 juillet. Aussi, la campagne d'opposition au CETA doit être ravivée, de toute urgence, par des courriers adressés aux parlementaires et par la mise en place d'un outil électronique d'interpellation rassemblant le plus grand nombre possible d'organisations signataires. Également, invitation des comités locaux d'Attaque à se rassembler devant les permanences des parlementaires de la majorité et à convier la pièce locale. Voilà, donc c'est parti pour les interviews. On commence, je crois, par les retraites. Aujourd'hui, on parle de retraite et de système par répartition, le système français. Le système par répartition, dans son principe, est simple. La pension de retraite dépend de la durée de vie au travail, du salaire de référence et du taux de cotisation. Et le législateur va pouvoir jouer, je veux dire arbitrer politiquement, sur ces trois variables. Mais on va voir que progressivement, on va ajouter quelques paramètres plus ou moins spécieux. Ça commence en 1993, on va faire un peu d'histoire. La durée de cotisation passe de 37 ans et demi à 40 ans et le salaire moyen de référence de 10 meilleures années à 25 ans, chose qui est acquise au gouvernement socialiste. Ce n'est pas suffisant pour faire baisser les retraites. On ajoute un petit peu moins, si j'ose dire. La revalorisation des retraites devient fonction des prix à la consommation et non plus fonction de l'évolution générale des salaires. 2003. 1. On cale la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle des retraites et des salariés du privé, 40 ans pour tous. 2003 toujours. 2. L'introduction des décotes de 5% par annuité manquante, rien que ça, encore un petit moins, de plus. 2010. Le gouvernement met en avant une nouvelle donne, le ratio de dépendance, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs. Catastrophique ce rapport. Pas assez de salariés pour payer les retraités. Il n'y a pas de solution, il faut travailler plus longtemps. Le MEDEF est d'accord. C'est dans ces années qu'on va entendre le Conseil d'orientation des retraites nous prédire l'avenir. On va certainement y revenir avec notre invité. Pas sûr qu'il soit d'accord avec cette vision du Conseil d'orientation des retraites, le COR. Et donc, à partir de 2010, c'est la réforme Woerst. L'âge légal, 62 ans, 67 ans pour le taux plein et 41 années et demie de cotisation. Et on se dit qu'on va convoquer régulièrement les parlementaires pour porter un peu plus loin l'âge légal du départ à la retraite, quasi trimestre par trimestre, ce qui a bien pénalisé celles et ceux qui avaient perdu leur emploi en fin de carrière. Mais ça, c'était la droite. 2012-2013, heureusement, la gauche est au pouvoir. On avait bien compris que nos amis socialistes cafouillaient un peu sur les retraites. Eh bien maintenant qu'ils sont au pouvoir, tout va changer, bien sûr. Tous les présupposés de la droite sont confirmés. Âge légal, départ de la retraite, 62 ans. Allongement de la durée de cotisation à 43 ans en 2035. Et on fera cotiser un peu les retraités les plus riches pour faire social. Le MEDEF est d'accord. C'est qu'on n'avait pas le choix. Il fallait comprendre les socialistes aussi. Il fallait réaliser un peu plus vite les économies pour combler le déficit des régimes de retraite qui devait s'élever à 20 milliards d'euros en 2020. Tiens, ça me dit quelque chose, cette somme de 20 milliards d'euros, pas vous ? Bon, eh bien, pour en parler, pour parler de tout ça, nous recevons un économiste, membre du conseil scientifique d'Attaque et de Copernic, économiste atterré et même ancien président d'Attaque. Ce n'est pas moi qui veux commencer l'interview, c'est Benjamin. Oui. Alors bonjour Jean-Marie Arribé. Bonjour Benjamin. Depuis 90, nous avons assisté à de nombreuses réformes des retraites, notamment celle de Balladur en 93, celle de Raffarin-Fillon en 2003, encore celle de Fillon en 2007, celle de Sarkozy en 2010, et une nouvelle réforme des retraites cette année avec François Hollande. Pouvez-vous nous évoquer la logique sous-jacente de ces réformes ? Mais effectivement, il faut prendre la mesure de la longueur, de la durée. Depuis laquelle durée de temps depuis laquelle ces réformes sont entreprises, qui démarrent donc au début de la décennie 90, à un moment où le capitalisme financier devient prédominant à l'échelle mondiale, en Europe et en France. Progressivement, les systèmes sociaux sont mis en difficulté sciemment en ralentissant les rentrées de cotisations sociales qui les financent et en organisant petit à petit le détricotage des systèmes collectifs pour laisser une place grandissante aux systèmes privés qui, en France, ont de la peine à s'implanter, mais qui, de par le monde, continuent de progresser et qui sont toujours sous-jacents aux réformes qui sont entreprises. Alors, ces réformes ont eu pour point commun, en France depuis 1993, d'allonger la durée de cotisation, de retarder l'âge de la retraite. Alors, la durée de cotisation, vous le savez, est passée de 37 ans et demi à 40 ans en 93 pour les salariés du privé. Cette mesure a été étendue en 2003 aux fonctionnaires. Et depuis ce moment-là, la durée de cotisation est passée progressivement à 41 ans et un trimestre, comme elle est aujourd'hui depuis la réforme de 2010. Et en même temps, cette dernière réforme a entrepris de reculer l'âge auquel on peut prétendre partir à la retraite, de 60 à 62 ans, et a reculé également l'âge auquel on peut partir à la retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, puisque depuis 1993 a été introduite l'idée d'imposer une décote de 5% par année manquante aux salariés qui partent sans avoir satisfait à la durée requise. Donc c'est ça qui structure finalement l'ensemble de ces réformes. Alors, il faut y ajouter tout de même d'autres mesures qui ont eu des effets terriblement catastrophiques, notamment le passage pour les salariés du privé du calcul d'un salaire de référence portant sur les 25 meilleures années de la carrière du salarié à la place des 10 meilleures années comme ce l'était auparavant, et la désindexation des pensions par rapport au salaire qui a été introduite depuis ce moment-là. Et l'ensemble de ces mesures provoque aujourd'hui une difficulté très grande de partir à la retraite avec un taux plein, puisque dans une situation dans une situation où prédomine le chômage, vouloir rallonger la durée de cotisation de l'ensemble des salariés ne peut conduire que à une impossibilité de satisfaire à cette exigence et donc de partir avec un droit à pension réduit par rapport à la situation antérieure. Et cette baisse des pensions organisée par l'allongement de la durée de cotisation assorti d'une modification du mode de calcul du salaire de référence et l'introduction de la décote produit des effets maintenant qui commencent à être reconnus même par les rapports officiels qui pourtant continuent de proposer et de recommander au gouvernement de reculer les âges de la retraite ou d'allonger d'allonger en même temps la durée de cotisation. Oui, on a l'impression que le fait qu'il y ait 3 millions et demi de chômeurs et certainement quelques centaines de milliers de plus ne joue pas du tout sur la façon de présenter les choses actuellement par le gouvernement ou par le rapport. Évidemment, la dégradation de la situation de l'emploi est totalement absente de ce débat. Et de manière paradoxale, les derniers rapports du Conseil d'orientation des retraites et le rapport Le Moreau lui-même qui a été remis au gouvernement au mois de juin dernier établissent sans ambiguïté que la dégradation des caisses de retraite, donc l'augmentation des déficits qui sont prévus, environ une vingtaine de milliards à l'horizon 2020. Cette augmentation des déficits n'est absolument pas due à l'évolution démographique, à la fameuse augmentation de l'espérance de vie dont on nous parle quotidiennement, mais est due essentiellement, quasi exclusivement, à la récession, au chômage qui s'en est suivi, et donc au ralentissement des rentrées de cotisations sociales. Et nous ajoutons que si les politiques d'austérité continuaient d'être menées comme elles sont menées depuis maintenant plusieurs années, dans tous les pays européens et en France en particulier, même par le gouvernement socialiste, eh bien, si ces politiques d'austérité continuent à être menées, on est pratiquement certain que ces déficits des caisses de retraite, comme des caisses de l'ensemble de la sécurité sociale, quelle que soit la branche, je pense à l'assurance maladie notamment, eh bien, ces déficits ne pourraient que s'aggraver. Et donc, justifier l'allongement de durée de cotisation, justifier les reculs de la retraite, alors qu'on est en situation de chômage extrêmement important, est à la fois absurde et cynique, parce que les gouvernants et les lobbies libéraux derrière savent très bien qu'il sera de plus en plus difficile de satisfaire aux nouvelles conditions de départ à la retraite, aux nouvelles exigences. Et ça sera encore plus difficile pour les catégories de la population qui sont déjà les moins bien loties dans la vie active, et on pense aux femmes notamment qui ont assez souvent des parcours professionnels interrompus à cause du chômage, de la précarité générale, à cause aussi des temps partiels et à cause des périodes pendant lesquelles elles doivent interrompre leur activité pour élever leurs enfants. Et donc cela réuni fait que la dégradation des pensions des femmes s'ajoute aux extraordinaires inégalités qui subsistent encore dans le monde du travail. Une question de René. Oui. On peut dire là que en fait on utilise la crise qui est en fait un élément ponctuel provisoire en niant ses effets pour justifier la réforme des retraites. Oui, et vous avez tout à fait raison. Et je disais que les rapports officiels donc établissaient sans ambiguïté que l'aggravation des déficits n'était pas due à l'évolution démographique, mais était due à la récession. Mais en plus, pour répondre à votre dernière question, ils disent ouvertement que la réforme des retraites, les réformes des retraites, puisque maintenant on n'est pas à la première, les réformes des retraites doivent s'inscrire dans la stratégie de rétablissement des équilibres budgétaires et de manière à restaurer, je cite, la crédibilité internationale de la France. Et qu'est-ce que ça veut dire en jargon technocratique, la crédibilité internationale de la France? Ça veut dire la crédibilité auprès des marchés financiers. Et d'ailleurs, le gouvernement actuel, dans un cynisme étourdissant par la bouche du ministre de l'économie et de finances Moscovici, a déclaré à plusieurs reprises que la réforme des retraites avait pour but de rassurer les marchés financiers. Donc il n'est pas question de rassurer les populations sur leur avenir, il n'est pas question de rassurer les populations sur la possibilité qu'ils auront de percevoir une retraite, il n'est pas question évidemment de rassurer les jeunes à qui l'on serine tous les matins qu'ils n'auront pas de retraite, et il n'est pas question de les rassurer, mais au contraire de rassurer les marchés financiers. On est en train de glisser d'un système social salarial vers un système financier, ou pas encore Le capitalisme financier s'est imposé. Il a toujours besoin des salariés, donc c'est pour ça que le salariat ne disparaît pas, parce que sans le salariat, le capitalisme n'est rien. Mais on est dans un système où les droits des salariés, je préfère le dire comme ça, où les droits des salariés sont remis progressivement en question, de la même façon que les services publics et l'ensemble du droit du travail sont laminés progressivement au nom de la flexibilité, au nom du soi-disant coût du travail trop important, de façon à rétablir la compétitivité, sous-entendu, il faut comprendre derrière compétitivité, la rentabilité du capital, c'est-à-dire la rentabilité qui est servie aux actionnaires. Mais ce qui est également paradoxal dans cette réforme, c'est qu'on ne considère pas du tout que le salaire dans la valeur ajoutée retraités a chuté sur les 25-30 dernières années et qu'on ne met pas du tout en question le régime d'accumulation du capitalisme financier. Alors l'une des caractéristiques majeures, sinon la principale caractéristique du capitalisme que l'on appelle financier ou néolibéral, est d'avoir justement rompu le parallélisme qui existait auparavant entre l'évolution de la productivité du travail et l'évolution des salaires, ce qui a conduit évidemment, comme vous le dites, à une baisse dans tous les pays. Maintenant, tous les instituts internationaux, toutes les institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale ou l'OCDE attestent, même s'il ne le disait pas auparavant, que cette part salariale a diminué partout dans le monde et que nous en concluons qu'il y a là l'une des racines profondes de la crise, parce que on ne peut pas éternellement faire évoluer la richesse produite différemment de des salaires qui sont versés, qui constituent le gros de la demande de consommation et donc par voie de conséquence de la demande d'investissement par les entreprises qui doivent produire. Et donc là, la diminution de la part salariale dans la valeur ajoutée, comme on dit en économie, est indéniable maintenant, même si depuis quelques années elle s'est stabilisée, mais elle s'est stabilisée en France à un niveau très très bas et qui se révèle bloquant pour le situation, qui se révèle bloquante pour le système bien sûr, mais que les gouvernements ne veulent pas remettre en cause parce que il y a de l'intérêt des rentiers, de l'intérêt des détenteurs du capital qui pendant ce temps, pendant que la pauvreté relativement à la richesse produite s'appauvrit, eux, ils s'enrichissent relativement aux salariés, mais de manière absolue également. Et cette répartition qui est en défaveur du travail pèse largement donc sur la croissance, alors que en plus de ça, la projection du Conseil d'orientation des retraites tape sur une reprise de cette croissance économique dès 2013. Alors, c'est là où doit intervenir un deuxième niveau de discussion. C'est que, bon, comme nous venons de le dire ou laisser sous-entendre explicitement que si on voulait penser un autre financement des retraites, il fallait remettre en cause la répartition des revenus telle qu'elle s'est imposée depuis maintenant plus de 30 ans. Mais, outre cet aspect-là, qui est très très important, bien sûr, mais il s'ajoute un autre qui ne l'est pas moins. C'est celui de savoir si l'on peut escompter une croissance économique extrêmement forte dans les années à venir pour faire partir l'emploi, pour répondre à la totalité des besoins sociaux parmi lesquels il y a la santé et la retraite, ou bien est-ce qu'il faut être d'une extrême prudence, comme je le pense, extrême prudence sur les futurs gains de productivité et donc sur la future croissance économique qui ne peut plus être envisagée de la même manière qu'elle l'était dans les années d'après-guerre ou jusqu'aux années récentes des années 80-90. On sait maintenant qu'en plus de cette crise sociale, imputable donc aux contradictions du capitalisme de manière traditionnelle, s'ajoute une crise d'ordre écologique qui empêche que l'on puisse laisser miroiter à la population le retour d'une croissance forte et surtout le retour d'une croissance forte pérenne pendant plusieurs décennies, puisque les travaux du Conseil d'orientation des retraites font des projections à 50 ans, c'est-à-dire juste de 2010 à 2060, grosso modo, et donc il est tout à fait irréaliste de penser que des taux de croissance économique de 1,5-2% par an en moyenne sur une très très longue période pourront continuer de se produire sans que les contradictions écologiques ne s'avivent. Et donc c'est pour ça que dans une situation où il faut à la fois penser la résolution des problèmes sociaux, et notamment la résorption très forte du chômage pour retendre vers ce qu'on peut appeler un plein emploi, la résolution de ce type de problème d'ordre social et en même temps la résolution d'un problème d'ordre écologique pour sortir du productivisme rend encore plus nécessaire une nouvelle répartition des revenus pour que tous ces problèmes-là puissent se régler sans avoir besoin de recourir à une croissance économique forte. Mais on va aborder cette question. Moins de personnes continuent de croire aujourd'hui. On va peut-être aborder cette question dans la deuxième partie. Une dernière question de René avant la pause. Oui, justement, à ce sujet, c'est ce que j'ai noté, on peut se demander comment l'activité et l'emploi vont redémarrer miraculeusement en 2013, avec d'une part l'impact des politiques d'austérité qui pèsent sur l'économie, Et de plus, le Conseil d'orientation n'envisage pas du tout la possibilité d'une nouvelle crise financière et économique qui pourtant revient régulièrement maintenant une à deux fois par décennie. Vous comprenez bien que si les rapports officiels faisaient état d'une possibilité, même avec une probabilité faible, de retour des crises périodiques, ils ruineraient l'objet même de leurs investigations et de leurs préconisations. On a sous les yeux, tous les quatre, retraite, l'alternative cachée, dont tu es un auteur, Jean-Marie, et on est intéressé par faire entendre sur les ondes de Radio Campus les propositions alternatives. Alors, je vais les placer à deux niveaux. Premier niveau, celui assez terre à terre, mais quand même fondamental, bien sûr, du financement. Et puis celui des enjeux en termes de philosophie politique et de choix de société qu'il y a derrière la retraite. Donc voyons d'abord les propositions portant sur le premier aspect, le financement. Bon, la proposition centrale que nous faisons consiste, comme je l'évoquais juste avant la pause, de placer le curseur dans l'autre sens que celui où il a été placé depuis 30 ans, c'est-à-dire d'arrêter la baisse de la part salariale dans la valeur ajoutée, de lui faire retrouver un niveau plus décent et permettant de satisfaire mieux les besoins sociaux. Alors, il nous parle de retourner les courbes, là, en ce moment, non ? Comment y parvenir ? L'une des propositions de notre livre consiste à soumettre à cotisation l'ensemble des revenus qui sont distribués. Alors, à l'heure actuelle, seule la masse salariale sert d'assiette au calcul de ces cotisations, et encore même pas toute la masse salariale, puisque c'est simplement le salaire brut, et notre proposition consiste à soumettre à cotisation l'ensemble des revenus distribués. Alors, d'abord, la petite part de rémunération salariale qui n'est pas soumise à cotisation, comme par exemple la participation à l'intéressement, mais surtout le gros des revenus versés aux actionnaires, donc les dividendes pour l'essentiel, qui ne sont pas soumis. Donc l'élargissement de l'assiette des cotisations sociales est pour nous l'un des moyens les plus forts, les plus puissants pour inverser donc l'évolution de cette courbe dont nous parlions depuis tout à l'heure. Et alors, quels sont les avantages de cette proposition ? Il y en a au moins deux. Le premier, c'est de contourner le charabia, le galimatia, la propagande quotidienne des libéraux, du patronat et du gouvernement, comme quoi il faut réduire le coût du travail, qu'il faut surtout pas toucher aux cotisations sociales parce que le coût du travail est paraît-il trop élevé à cause du financement nécessaire de la protection sociale. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous ne voulez pas qu'on augmente le coût du travail, eh bien, diminuons le coût que fait peser le capital sur la société, sur la collectivité. Et que l'on soumette à cotisation ou pas les dividendes, ils sont versés. Ils sont donc déjà inclus dans les prix des marchandises vendues par les entreprises. Et donc, qu'on les soumette ou pas à cotisation sociale, ces prix ne varieront pas. Et donc, il n'est plus question de nous parler et de perte de compétitivité, puisque ces revenus distribués sous forme de dividendes aux actionnaires, qu'ils soient soumis ou pas à cotisation, de toute façon, ils sont distribués. Donc là, il n'est plus question d'entendre le lamento quotidien sur l'accroissement des charges des entreprises. Deuxième avantage, c'est que tout le monde a repéré que notre système de financement de la protection sociale et des retraites en particulier, calculé sur la base de la seule masse salariale, a pour conséquence de faire contribuer relativement davantage les entreprises de main-d'œuvre par rapport aux entreprises employant peu de main-d'œuvre relativement au capital technique, aux machines, équipements, robots qu'elles utilisent. Et donc, en élargissant l'assiette des cotisations sociales, donc aux profits qui sont distribués, eh bien, on n'annule pas l'inconvénient précédent, mais on l'atténue fortement. Et donc, ces deux, les deux avantages que nous voyons dans l'élargissement de la cotisation sociale constituent donc la base même d'un autre projet de réforme du financement des systèmes de retraite. Une question de René, peut-être ? Au sujet justement de la participation des revenus du capital, certains émettent une restriction parce que cela revient à les légitimer, ces revenus. Donc autant maximiser les dividendes et les profits redistribués pour qu'ils contribuent justement au financement des retraites. Donc certains sont peut-être un peu réservés à ce sujet. Cet argument était recevable, alors il faudrait le généraliser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'impôt, par ailleurs, la fiscalité, quand il existe un impôt progressif sur le revenu, comme les taux sont plus élevés pour les hauts revenus, si je suis cette argumentation, si je le transpose à la fiscalité, eh bien, il faudrait que les revenus soient versés aux riches, soient encore plus élevés pour qu'on puisse leur prendre davantage sous forme d'impôt. Non, à mon avis, cet argument ne tient pas parce que il est propre, on pourrait dire à son propos qu'il est frappé de la même contradiction ou paradoxe qui porte sur tout type de prélèvement. C'est qu'effectivement, dans tout prélèvement, il y a une possible contradiction dans le fait que plus on prélève sur une assiette donnée, plus on peut courir le risque de voir cette assiette se réduire. Si par exemple demain on met une taxe sur le transport routier par camion, donc une taxe mettons sur le gazole, on pourrait se dire ah ben il faudrait qu'il y ait plus de camions encore pour qu'on prélève plus d'impôts de taxes sur le gazole. Non. Oui, c'est l'effet pervers quoi. C'est... Et l'on a vu également lors d'une autre émission que ce surcoût du capital pèse 100 milliards d'euros et c'est celui-là aussi qui pèse sur la compétitivité si on peut reprendre le même argument. On a reçu ici il y a un mois. Laurent Cordonnier. Notre proposition, je reviens à cela, effectivement, notre proposition consiste à non pas diminuer le coût du travail comme on nous le demande tous les jours, mais au contraire à diminuer le coût du capital. Et alors nous disposons de plusieurs éléments pour accréditer cette volonté de réduire le coût qu'impose le capital, qu'impose la rente à l'ensemble de la collectivité. Bon, il y a d'abord les statistiques tout à fait connues maintenant que nous donne chaque année l'INSEE, c'est que nous savons que la part qui a été dévolue aux actionnaires a connu un bond extraordinaire depuis 40 ans, en 1972, c'est-à-dire au moment où se termine cette période d'après-guerre dite des Trente Glorieuses, les actionnaires recevaient de la part des entreprises non financières, dans la terminologie de l'INSEE, c'est-à-dire le cœur de l'appareil productif, les actionnaires recevaient 4,4% de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières en 1972. Aujourd'hui, ce pourcentage, tenez-vous bien, est passé à 22,6%. Les actionnaires prennent 22,6% de la valeur ajoutée brut des entreprises non financières. Donc une multiplication par 5. Bon, alors, ça c'est la chose qui publique. L'INSEE calcule un tableau économique d'ensemble chaque année pour l'économie française et donc on peut tirer les chiffres que je viens de vous donner des tableaux tout à fait officiels de l'INSEE. Et puis, on dispose, alors vous sans doute le savez-vous parce que l'étude a été réalisée tout près de chez vous, nos collègues du Clairsay, qui est un laboratoire de l'Université de Lille, on produit cette année, à la demande de la CGT, de la Confédération CGT, on produit un rapport canon sur ce qu'ils ont appelé le surcoût du capital. Alors qu'est-ce que c'est que le surcoût du capital ? Bien, c'est ce qui va au-delà de ce qu'ils ont caractérisé de manière tout à fait juste comme le coût normal, entre guillemets, du capital, c'est-à-dire le coût du renouvellement des équipements, de l'investissement, une prime normale du risque qui est pris par l'investissement. Et au-delà de ce coût, entre guillemets, normal, existe un surcoût et qu'ils ont évalué à une centaine de milliards d'euros par an. on peut l'année qui termine leur étude, la base de données qui termine leur étude, et c'est 2011. En 2011, c'était 94, 95 milliards de surcoût du capital au-delà d'un coût normal. Donc les 14 milliards de déficit de la caisse des retraites en 2012 par rapport à ces 100 milliards de surcoût du capital sont peanuts, si on peut se permettre. C'est epsilon par rapport à cette immensité de surcoût du capital. Et on ne parle pas de la fraude fiscale qui s'ajoute à tout ça, on ne parle pas des niches fiscales, etc. etc. Hein, donc on est bien dans quelque chose qui touche au cœur même de la répartition primaire des revenus. Et alors, j'insiste sur un point, parce que je sais qu'effectivement la proposition d'élargissement de l'assiette des cotisations sociales n'a pas toujours rencontré un écho favorable jusqu'au monde syndical, jusqu'au sein du monde syndical ou des mouvements sociaux de manière générale. Je pense que on peut là montrer que cet élargissement de l'assiette des cotisations sociales vise à agir au niveau de ce qu'en économie on appelle la répartition primaire des revenus, c'est-à-dire celle qui s'effectue au niveau où se produisent les richesses dans les entreprises. Et donc c'est totalement différent d'une mesure qui consisterait à fiscaliser la protection sociale, le financement de la protection sociale. Ce n'est pas, on n'agit pas là par le biais de la fiscalité. Il y a deux niveaux de répartition des revenus, ce qu'on appelle la répartition primaire qui se situe au niveau de la production des entreprises qui engendrent des nouveaux revenus nouveaux, et puis il y a ensuite un deuxième niveau de répartition qu'on appelle d'ailleurs la répartition secondaire et qui permet d'assurer une certaine redistribution des revenus. Donc là on n'est pas au niveau, on n'agit pas au niveau de la redistribution des revenus, on agit au niveau de la répartition primaire des revenus, c'est-à-dire qui fixe la frontière, et j'insiste beaucoup là-dessus, qui fixe la frontière entre la grande masse d'un côté que constitue les salaires et l'autre masse que constituent les profits, dont la destination est multiple d'ailleurs, dividendes versés aux actionnaires, intérêts versés pour les emprunts et puis éventuellement réserve pour l'investissement. Donc là on agit à ce niveau-là de la répartition primaire des revenus. Et ce qui veut dire que la proposition que nous avons faite dans ce livre ne dispense pas d'agir par ailleurs au niveau de la fiscalité, parce qu'on sait qu'il y a une réforme fiscale majeure à accomplir et que le gouvernement socialiste se garde bien d'aborder depuis un an et demi. D'accord. Donc, Jean-Marie Rabhibé, il nous reste une minute et demie en gros. Est-ce que vous voulez parler de la deuxième partie? Voilà. Voilà. Merci de me rappeler comme ça, de me ramener dans le bon chemin, parce que la seconde idée que je voulais développer est extrêmement importante. C'est que derrière la retraite, il n'y a pas qu'un problème de financement. Il y a, on vient de le voir, un enjeu de répartition des revenus, mais il y a aussi un enjeu de répartition du travail. Et donc, au moment où la situation de l'emploi se dégrade inexorablement, envisager d'allonger la durée du travail pour obtenir le droit à la retraite va à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler encore, si ce mot a encore un sens, le progrès. Et donc depuis deux siècles, le temps de travail diminue et il faut qu'il continue de diminuer. Sinon, il n'y a aucune raison d'engendrer de futurs gains de productivité dans le contexte social que nous connaissons et dans le contexte écologique que nous connaissons. Et quand on parle de la place du temps de travail, on parle de la place du travail dans la société, de la place du travail dans la vie des individus, et donc des finalités de ce travail, et donc des finalités de la production. Et là, on permet une articulation nouvelle entre l'aspect social de la question des retraites et l'aspect qu'il y a en arrière-plan, l'aspect écologique d'une réaffectation des gains de productivité à destination non pas de produire et toujours consommer davantage, mais à des fins de réduction du temps de travail, d'amélioration de la qualité de la vie et pour sortir de cette double crise à la fois sociale et productiviste, donc écologique, dans laquelle le capitalisme financier néolibéral nous a plongé. Et je reviens à un mot que vous avez dit dans votre introduction, la crise actuelle n'est pas due à la faillite de Lehman Brothers. Parce que Lehman Brothers, ça, il faut le remonter à ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire à 30 ans d'accumulation destinée à grossir la finance, à grossir l'accumulation du capital par le biais financier, au détriment du social et au détriment, en renvoyant au calende, on n'ose plus dire grec, au calende, la question de la modification radicale de notre modèle de développement, la modification radicale de la façon dont on